fils de seigneur va s'extendre devant nos gantings, mais l'annonce du chêne de Mayen te canche du havel drissé. Dumhet.